Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coûts humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, l'automobile et nous, une série d'Olivier Chomel réalisée par Yvon Croisier. Au départ de cette série, il y a les nuits d'été dans la voiture, avec l'odeur de la mer ou de la forêt dans l'habitacle, la biche qui croise la route ou la pluie qui tambourine sur le toit. Alors tout ça, c'est bien beau, mais qui dit voiture dit aussi pollution et il faudra bien finir par s'en passer. Alors pour commencer, les personnages, un maire urbaniste utopiste, un habitant fier et content, des usagers satisfaits, une femme qui a fait des économies, une conductrice reconvertie et Frédéric Chopin, pas le musicien, le conducteur de bus, et puis un historien des autos. Ensuite, le décor. Dunkerque, des bus, un port, la pollution, une frontière, des cigarettes, des promesses de campagne, des arrêts, le bord de mer et la téléportation, et des voitures autonomes et intelligentes. Aujourd'hui, 4e épisode, on écoute une archive. Écoute, c'est toi qui conduis ou moi? C'est moi. Pour moi, alors tais-toi. Y'a du whisky dans la boîte à gants et des américaines t'as qu'à taper dedans. La voiture change l'homme, la voiture change la personnalité et c'est peut-être ça qui rend le truc intéressant en fait. Les inconvénients de l'automobile sont bien connus. Il y a la pollution, c'est très encombrant, ça prend de la place partout, n'importe où. Et vous avez souvent des comportements de type individualiste. C'est moi que j'arrive, poussez-vous de là et en avant. Hein. Le plaisir de conduire, il est plus là. Parce que de 100 mètres en 100 mètres, on se paye des 80, 50, 70, 80. Non mais ça va quoi, c'est bien pénible ça à la fin. Je considère que maintenant c'est plus vraiment la liberté qu'on a. Je considère qu'au contraire c'est un puits à fric et une prison cette bagnole. Moi ça fait une semaine que ma voiture elle a pas bougé de place. L'automobile et nous. Olivier Chomel, Yvon Croisier. L'automobile, où comment s'en passer? Ce matin, M. Maurice Papon, notre préfet de police, a inauguré la semaine du silence, qui durera jusqu'au 29 mai, et qui concerne tous les bruits pouvant nous incommoder. Parmi ceux-ci, une attention toute particulière sera consacrée aux véhicules à 2 et à 4 roues dont les échappements font trop souvent preuve d'une belle générosité sonore. Je me trouve avec M. Chapoux, qui est chargé de ce contrôle, et qui va m'expliquer comment il s'effectue ici. Bien, le contrôle s'effectue ici, véhicule en mouvement. Les véhicules doivent passer sur une ligne matérialisée sur la chaussée, et cette ligne est emplacée à 10 mètres de microphone. Alors la voiture qui nous intéresse, que nous allons voir passer dans quelques instants, est une voiture de tourisme de cylindrée moyenne, qui a droit, je crois, à 60 à l'heure, à 85 faunes. 85 faunes, c'est exact. Eh bien nous allons voir si elle rentre dans l'ordre des prescriptions. C'est entendu, nous allons voir ça. 83 faunes, madame. 83 faunes, madame, bon. Et vous avez droit à 85. Pardon, vous conduisez depuis longtemps? Oh, beaucoup d'années. Est-ce que vous avez pensé à faire vérifier votre échappement? Non, mais elle n'est pas vieille. Elle a 6 mois. Oui, enfin, ce n'est pas une raison. Un échappement, n'est-ce pas, peut toujours avoir quelques avatars. Le silencieux peut se crever, on ne sait jamais. Alors, je vous conseille désormais de bien vérifier votre silencieux, afin de ne pas gêner votre voisinage et les personnes que vous croiserez. Et mon silencieux, c'est dans l'échappement ou est-ce l'échappement, dans la sortie. Madame, le silencieux fait toujours partie de l'échappement. Je ne savais pas. Eh bien, maintenant, vous le saurez. Merci, madame, bravo. En tout cas, vous faites 83, vous avez droit à 85. Donc, faites attention quand même. Hein. Oui, c'est pas très brillant. Je croyais que j'étais plus silencieuse que ça. Pourquoi ne pas rêver d'une géographie où on pourrait se passer de la bagnole? Dans la Pologne des années 80, avant comme après la chute du mur, on pouvait aller de n'importe quel point du pays à n'importe quel autre, avec 2500 mètres de marche à pied en tout, pas plus. Ça ne coûtait pas très cher pour les Polonais et presque rien pour les Occidentaux. Certes, ça prenait du temps, parfois pas loin de 36 heures, pour aller de Tomaszów-Lubelski à Świnoujście. Jusqu'aux années 50, ça se passait de la même façon à l'ouest. Et puis chacun a voulu posséder son propre véhicule. Beaucoup de dessertes locales ont été délaissées, puis abandonnées. Alors il devenait de plus en plus indispensable d'avoir son auto. Par voie de conséquence, nous payons le train assez cher, et les transports en commun de nos villes aussi, alors même que ce que nous payons pour monter dans le métro ou l'autobus est insignifiant par rapport au coût réel de nos déplacements. À Dunkerque, comme dans quelques autres villes en France, on a eu l'audace de décréter la gratuité totale des transports en commun, après une phase expérimentale où ça n'était gratuit que le week-end. Apparemment, ça prend, au-delà des espérances les plus folles. On s'apercevra bien vite que cette idée séduisante ne peut valoir que pour une minorité. On ne peut guère envisager un monde où la totalité de la population habiterait à Dunkerque, ou à Châteauroux, ou à Tallinn. Se passer d'automobile, c'est un luxe de citadin, mais ça donne envie d'essayer. Avant d'arriver à Dunkerque, j'avais visité une fois une grande ville où le stationnement n'était pas très facile et la circulation non plus. Donc, avant même de m'installer à Dunkerque, j'ai bazardé ma bagnole qui est partie chez le ferrailleur. À ce moment-là, le bus était encore par abonnement. Pas de problème, je pouvais me payer une carte d'abonnement. Mais la municipalité de M. Vergriet a décidé le bus gratuit et ça a fait vraiment un boom impressionnant pour les transports dans Dunkerque. Il y avait déjà une bonne fréquentation. Mais enfin, il y avait aussi une très forte circulation automobile en ville, dont pas mal de gens se plaignaient, il faut bien le dire, parce que le stationnement à Dunkerque, ce que vous avez vu un petit peu, c'est pas tout fait d'avance. Renaud Robinet, vous pensez que les Dunkerquois sont fiers de cette situation un peu exceptionnelle ? Je suis sûr et certain qu'ils sont tous très fiers de voir que notre ville, dont on ne parlait jamais, est devenue la ville phare, je dirais, au milieu de pas mal d'actualités. Dunkerque, la ville du bus gratuit, on en parle même à Paris, je vous dis, même le maire de Paris est venu. Ça fait parler de Dunkerque, et ça c'est excellent pour nous tous. On est à la communauté urbaine de Dunkerque, à côté du port de Plaisance. Avec Patrice Vergriet, vous êtes président de la communauté urbaine de Dunkerque et maire de la ville, ce qui vous donne le privilège de jeter des harengs sur la foule du carnaval une fois par an. Mais un maire de Dunkerque ne fait pas que ça. Vous êtes à l'origine, certainement pas tout seul, de ce projet aujourd'hui réalisé, qui est presque une utopie. Comment est-ce que cette idée est née? Auprès de qui? Comment et quand a-t-elle été présentée pour la première fois aux élus, au public? D'abord, il se trouve que j'étais dans une vie antérieure directeur d'agence d'urbanisme, ici sur l'agglomération dunkerquoise. Et il se trouve que ces débats sur la mobilité, je les connaissais en tant que professionnel. Et je m'étais toujours intéressé à cette question des de la gratuité des transports publics, parce que je trouvais que c'était un débat en France et même à l'échelle internationale qui était assez négligé. Il y avait beaucoup de préjugés, il y avait beaucoup de poncifs, beaucoup d'idéologie et peu de pragmatisme à un moment où on se doit quand même de trouver des solutions innovantes pour essayer d'inverser les choses sur la question climatique et environnementale. Et je trouvais en plus que ça correspondait assez bien à ce que pouvait être le contexte dunkerquois. Une agglomération très dépendante de la voiture, car reconstruite après-guerre. Une ville avec des enjeux de pouvoir d'achat. Une ville avec des enjeux aussi autour de la pollution de l'air, puisqu'on est un grand bassin industriel français. Et donc finalement, toute cette problématique du transport public gratuit correspondait assez bien à ce qu'était Dunkerque, à ce que pouvaient rencontrer les Dunkerquois au quotidien. Maxime Muret, chercheur en sciences politiques, spécialiste des transports. Et vous avez travaillé sur l'expérience dunkerquoise. Tout à fait. Comment est-ce que cette idée a émergé? Alors, ce qu'il faut déjà dire sur la gratuité, c'est que c'est une politique publique qui n'est pas nouvelle, puisque dans l'histoire, il y a des réseaux qui sont gratuits en France depuis les années 70. Je pense notamment à Compiègne. Donc la ville de Dunkerque s'est naturellement inspirée de ces réseaux gratuits en France et à l'étranger. Sachant que ces dernières années en France, depuis les années 2010, il y avait eu des réseaux plus importants qui étaient passés à la gratuité des transports collectifs, comme Aubagne, donc dans la grande agglomération de Marseille, ou comme Niort hein, en 2017. Et puis on avait un exemple étranger très important, c'est la ville de Tallinn, qui depuis 2013, 450 000 habitants, la capitale de l'Estonie, a mis en place la gratuité des transports collectifs pour ses habitants. Pas pour les touristes, par exemple? Non, pas pour les touristes. Alors, il y avait des problématiques spécifiques à Tallinn, hein, qui avaient pour objectif de faire revenir de la population dans le centre-ville. Et donc, Dunkerque, déjà, s'est inspiré de ses premiers réseaux gratuits. Et puis, en réalité, Dunkerque, c'est avant tout un projet politique. Premier objectif, c'est effectivement, on va dire, redynamiser le centre-ville, qui est en perte de vitesse à Dunkerque, hein, avec des difficultés notamment pour les commerçants de centre-ville. La ville de Dunkerque perd des habitants, donc il y a un véritable objectif de redynamisation du centre-ville de Dunkerque. Et puis d'autres objectifs qui vont s'ajouter, des objectifs sociaux pour faciliter la mobilité des personnes en difficulté, et des objectifs écologiques également, hein, faire diminuer la pollution, notamment liée au rejet des polluants automobiles. Et enfin, c'est ajouté à cela une préoccupation du pouvoir en faveur du pouvoir d'achat qui a émergé ces derniers mois et qui a été un autre objectif visé par la municipalité, puisque lorsqu'on rend les transports gratuits pour les usagers, ils n'ont plus de tickets et d'abonnements à payer, donc ça fait des économies dans le portefeuille de ses habitants. Et par ailleurs, oui, et par ailleurs du stationnement ou du plein d'essence, si on se détourne de l'automobile. Et là, c'est une vraie question. La question de savoir si les transports gratuits vont transformer les comportements et les pratiques de mobilité, notamment en matière d'automobile. Ça a été une vraie libération, Renaud Robinet, pour vous, de vous débarrasser de la voiture? Une libération toute particulièrement agréable pour mon compte en banque. Je ne vous le cache pas, depuis que je n'ai plus de bagnole, eh ben mon compte en banque a pris un coup de jeune sérieux. Et là, j'apprécie. Vous voyez, je ne dépense plus mon mois maintenant. Je peux économiser. C'est bien agréable pour quelques petites folies. Ça me fait penser à une maxime de René Dumont. Vous vous souvenez de cet homme? Il oui, avait été sûr. Le premier candidat écologiste à la présidentielle. Et il disait, la bagnole, ça pollue, ça pue et ça rend con. On ne peut pas dire qu'il ait vraiment tort, même s'il n'a pas dû se faire que des amis en racontant ça. Hein, parce que l'automobile, c'est vraiment le moyen de transport individuel par excellence. C'est vraiment l'égoïsme. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux. Alors vous aviez des gens qui prenaient la bagnole pour aller acheter un paquet de cigarettes à 200 mètres, vous voyez le genre. Alors justement, quels sont les inconvénients principaux de la voiture dont vous seriez heureux de vous être débarrassé? Les inconvénients de l'automobile sont bien connus. Il y a la pollution. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'aujourd'hui, les problèmes climatiques sont à l'ordre du jour. Et on accuse beaucoup les moyens de transport d'être très polluants. Et d'une, c'est très encombrant, ça prend de la place partout, n'importe où. Et vous avez souvent des comportements de type individualiste. C'est moi que j'arrive, poussez-vous de là et en avant. Hein. Des comportements que nous qualifierons d'agressifs. Inutilement souvent. Des coups de klaxon, etc. Enfin, vous connaissez comme moi. C'est pas une nouveauté. J'ai une sacrée manie qui intrigue mes parents. Déjà quand j'étais petit, c'était mon boniment. Pas les jouets, pas l'argent, les figues, les cerfs-volants. Non, moi, ce qui me plaît le plus, ce sont les autobus. Là-bas, c'est un bus qui revient de Belgique. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est gratuit aussi? C'est gratuit. Tout est gratuit. Ouais. Tous les bus ici sont gratuits. C'est pas mal, ça? Oui, c'est pas mal. C'est mieux qu'avant. Comment c'était avant? Avant, c'était payant. Oui. Ouais. Bah, déjà, financièrement, c'est mieux. Enfin, on peut se déplacer partout sans pouvoir payer. Sans... Je trouve ça bien, moi. Je trouve ça pratique. Pour ceux qui n'ont pas les moyens et tout. Là, vous prenez la ligne 20 qui... Ben. Qui est la seule ligne du réseau à rentrer sur le territoire belge. C'est ça. Et la halte à la frontière, j'ai une petite idée de ce à quoi ça sert. Le tabac. Ouais. Qui est moins cher. C'est le bus des cigarettes. En vrai, ouais, sans mentir, ouais. C'est vrai, ouais, tous ceux qui vont en Belgique, ouais, c'est pour acheter des cigarettes. Partie, ouais. C'est pour aller chercher le tabac. C'est bon pour l'environnement et pour la contrebande. Pour la contrebande, ouais, on va dire. C'est un peu unique que les transports en commun soient gratuits. Bah, sur Dunkerque, ouais. Là, ça commence à se mettre en place un peu partout, mais sinon, ça va. Un peu partout, vous allez voir. Bah, Calais, là, déjà, ça commence. Ouais. D'après ce que j'ai vu, ouais, Calais. Lille, je sais pas, mais je pense que ça va suivre aussi. Hein. Vous croyez que ça va se faire? Ouais, je pense que ouais. Ils voient, ils commencent à marcher à Dunkerque. Nous, on est à Dunkerque, on a de la chance, ça va. Dunkerque était plutôt une ville adaptée à ce passage à la gratuité. Ceci étant, ce n'était pas gagné d'avance, puisque les détracteurs de la gratuité aimaient bien rappeler que finalement, c'était faisable dans des villes de 50 000 habitants, et au-delà, on ne pouvait pas imaginer que la gratuité puisse s'imposer. Maxime Huret. On voit aujourd'hui Dunkerque, c'est 200 000 habitants, donc le seuil a été dépassé des 50 000. Demain, c'est Luxembourg, 650 000 habitants, gratuité totale des transports collectifs, le 1er mars 2020. Dans tout le Grand-Duché, y compris les transports ferrés. Et pour tout le monde ou pour les Luxembourgeois seulement? Et pour tout le monde, hein, y compris les touristes ou les gens qui viennent de l'extérieur. Donc on a des seuils en fait qui sont régulièrement dépassés de villes de plus en plus importantes qui passent à la gratuité. Probablement que c'est lié à des contextes spécifiques, hein. Il faut pas, évidemment, hein, des contextes territoriaux, économiques, qui sont favorables plus que d'autres. Mais on ne sait pas où va s'arrêter finalement cette politique de mise en gratuité des transports collectifs, puisque là on approche des élections municipales, et des villes comme Montpellier, Clermont-Ferrand, Rennes, Nantes, hein, se positionnent en faveur de la gratuité des transports collectifs. Ça semble difficile de transposer cette belle idée de gratuité des transports publics à toutes les villes. Je pense à Paris, par exemple, dont le réseau est déjà complètement congestionné. Le Parisien titrait il y a quelques jours à la une « Le métro parisien au bord de l'asphyxie ». C'est ce qu'on constate tous les jours. On imagine que si le métro parisien devient gratuit et le reste des transports en commun... Ça marchera pas, ça s'arrête de soi-même. Alors dans les grandes villes, les problématiques sont évidemment différentes que dans une ville comme Dunkerque. Je pense notamment en France à Paris ou Lyon. Là, on a des réseaux de transport qui sont déjà saturés en partie. Et là, c'est le vrai problème de la gratuité. Tant qu'on a des réseaux saturés, on ne peut pas passer à la gratuité des transports parce que l'augmentation de la fréquentation fait qu'on va encore plus saturer ces réseaux. Et donc, ça aura un effet probablement contre-productif. Les gens se détourneront du transport collectif plutôt que d'y aller. Ligne C2, destination La Frincourt, Fort des Dunes. Vous savez ce que ça me fait depuis 48 heures qu'on prend le bus à Dunkerque, moi qui viens d'une ville où les transports sont payants. Parce que quand le bus arrive, je cherche dans ma poche ma carte de transport. Ah, c'est vrai que nous, on n'a pas ce souci. On n'a pas de carte de transport. Et on se soucie que de l'horaire. Et encore, on a un bus toutes les 10 minutes, donc on peut y aller quand on en a besoin. Et avant que ça soit gratuit, vous l'utilisiez, le bus ? Oui, j'utilisais le bus pour me rendre à mon travail. Après, j'ai changé de lieu de travail, donc je ne pouvais plus le prendre, c'était plus adapté. Et là, j'ai pris une deuxième voiture, malheureusement. Ça coûtait combien au mois, vous vous souvenez ? C'était à peu près 150 euros par mois. On est un peu écologiste, donc on avait loué une Zoé. Ouais. Une voiture électrique. Donc le coût de la voiture, même si elle était à 99 euros par mois, plus l'assurance, ça coûtait 150 euros par mois. Donc là, c'est sûr que là, ça fait un beau budget d'économie. Parce que là, du coup, on a arrêté la deuxième voiture. On n'a qu'une voiture maintenant pour se déplacer pour les longues distances. Et sinon, on fait le trois quarts de nos trajets, on les fait en bus. Quel état ? Renaud Robinet, J'imagine qu'il y a eu des oppositions à la gratuité des transports. Des gens ont dû être au moins sceptiques. C'est comme toujours, monsieur. Là, tout début, les gens sont contre. Et après, ils expérimentent et ils sont pour. Alors, au début, quand j'ai pris le bus gratuit, j'ai entendu des réflexions du genre « Oh, mais attention, hein, ça va servir, n'est-ce pas, aux clochards à trouver un refuge en hiver. Il fait plus chaud ici. » Ou bien « Oh oui, n'importe quoi, n'importe comment, etc. » Cette réflexion-là a duré à peu près un mois au maximum. Et à partir de là, les gens ont pris de nouvelles habitudes. Le bus gratuit est entré dans leurs mœurs, je dirais. Maintenant, ceci étant dit, il y a encore des cas où l'automobile est indispensable. Ça. Pour me rendre à mon bureau, j'avais acheté une auto, une jolie traction avant qui filait comme le vent. C'était en juillet 39, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois d'avoir une voiture à moi. Mais 20 septembre, et je pars pour la Alors, ça a été reçu positivement. Patrice Vergritte, maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine. Soit certains avaient des interrogations. Est-ce que c'est possible, puisque la parole politique commence à être mise en doute dans notre pays? Et donc, est-ce que c'était une promesse, etc. Donc, c'est vrai qu'une partie de la population était sceptique. Une partie ne s'y est pas vraiment intéressée. Et puis une dernière petite partie s'est dit « mais ce serait bien pour mon quotidien ». Et y a cru. D'ailleurs, c'est très marrant parce que le lendemain de mon élection, les gens ont cru que le bus allait tout de suite gratuit. Donc on a quelques anecdotes comme ça assez croustillantes puisque les chauffeurs ont eu à partir avec quelques usagers du transport collectif qui ne voulaient plus payer le lendemain de mon élection. Donc tout de suite, on a eu une forte croissance de la fréquentation des bus. Vous connaissez ce poncif classique, ce qui est gratuit n'a pas de valeur, ce qui est d'ailleurs un poncif horrible quand on y réfléchit, mais qui était présent, il y avait quand même des inquiétudes, même une partie des chauffeurs de bus s'attendaient à avoir beaucoup plus d'incivilité ou d'insécurité dans le bus avec la gratuité. Évidemment, ça ne s'est passé nulle part dans le monde, dans les villes qui ont adopté la gratuité du transport public, ça n'avait aucune raison de se passer à Dunkerque, mais le fait... que de constater que la gratuité du transport public n'amenait pas plus d'incivilité, au contraire, on a eu 60% d'incivilité en moins, a rassuré aussi une partie, notamment des chauffeurs, mais aussi des usagers. Prochain arrêt, avenue de la Liberté. Bonjour, on est une équipe de Radio France et on cherche Monsieur Chopin, Frédéric Chopin. C'est un conducteur de bus, oui. Normalement, il devrait être à l'heure. On est tous à l'heure. Oui. Il va arriver derrière. Il doit arriver. Ça doit être le prochain d'eux qui va arriver. Ça doit être le prochain, oui. Voilà, monsieur. Voilà. Merci. Virginie Blondeau, vous conduisiez déjà des bus à Dunkerque au début de l'expérience. Je parlais des premières expériences de gratuité des transports à partir de 2014, le week-end. Chez Decabus, toujours au mois de juin, avec la gratuité qui a commencé au mois de septembre. Et sans quoi, avant, j'étais pas du tout dans ce métier, c'est complètement une reconversion. Et parce moi, que du coup, les effectifs de la compagnie Decabus ont augmenté. Ah oui, ils ont bientôt, je pense, si je me trompe pas, doublé bientôt, au niveau des chauffeurs. Vous y avez cru tout de suite, à ce projet-là? Moi, oui, parce que déjà là, maintenant, on ressent beaucoup, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'affluence sur toutes les lignes, qu'avant, on avait du monde, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde avec la gratuité. Ouais. Ouais, beaucoup de personnes qui ont lâché leur véhicule, beaucoup plus de personnes âgées qui osaient pas sortir, voilà, puis que ils auraient un petit bonjour, ils nous voient. Et est-ce que ça se voit par exemple sur la densité de la circulation en ville? Nous, avec les lignes prioritaires, tout au niveau des lignes de bus depuis la gratuité, le trafic est très fluide. Hein. Toutes les lignes passent bien, on n'a jamais de gros soucis. Qu'est-ce que ça donne dans le comportement des gens? C'est comme avant, moi je dirais, parce que y a tout ce style, il y a des gens, comment expliquer ça, ils sont comme avant, quoi. Ils prennent leur bus, on met un bonjour, pareil. Déjà, c'est à nous à dire bonjour en priorité. Qu'on a un mot, tout ça, qu'il y en a, ils croient depuis la gratuité que tout est acquis, quoi. Que bientôt on devrait les prendre devant chez eux. Ah ouais, qu'ils nous font signe sur la route et que bientôt on devrait pas les prendre à l'arrêt sur le coin de la rue, quoi. Mais non. Et... Ça, c'est un peu un signe que les gens s'approprient les autobus de la rue. Oui, voilà, ouais. Dans un sens, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Enfin, la gratuité, déjà, pour nous, en tant que chauffeur, c'est plus pratique et plus simple. Il n'y a plus le rendu monnaie. C'était une grosse perte de temps à chaque fois, les tickets. Ou bien la personne, si elle ne parlait pas français, comme moi, l'anglais, tout ça, je ne parle pas étranger, quoi. Donc on avait du mal un peu à comprendre. Et puis, ça passe beaucoup plus vite, hein. Pour la montée, la descente des personnes et des usagers, même pour eux, hein, ils ne sont pas à chercher à leur porte-monnaie. Mais il y en a encore des personnes qui nous disent il ne faut pas payer. Non, ils sont étonnés, mais bon, ça leur fait plaisir. Encore 13 minutes, je vais me mettre là-bas et puis après, je vais boire un café et puis je redémarre dans. Minutes. Vous êtes bien Frédéric Chopin? Ouais, je suis Frédéric Chopin, oui. Bon, un nom célèbre. Bon, voilà. Vous êtes entré quand à la compagnie de bus de Dunkerque qui s'appelle Decabus? 2006. 2006, ouais. Donc vous avez connu toute la mutation, la première où les bus sont devenus gratuits le week-end. J'ai connu les tickets, j'ai connu la nouvelle billettique et puis ensuite la gratuité, oui. Et qu'est-ce que ça donne, vu de votre poste de conduite d'un bus? Alors, poste de conduite, je dirais que j'ai beaucoup plus de bonjours, les gens sont plus agréables. Et quand on vous a présenté ce projet, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous y avez cru tout de suite? Ouais, j'ai cru, mais j'avais un peu de crainte au niveau de la clientèle, en fin de compte. Mais une clientèle un peu plus... qui pose problème, aussi bien au niveau l'alcool. Mais en fin de compte, non, il n'y a pas tout ça. J'avais des craintes, j'avais beaucoup de craintes, et puis en fin de compte, non, ça, c'est un très très bon réseau. Je suis plus cool au volant, quoi. J'ai plus que la conduite à gérer, donc c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez une voiture, Frédéric Chopin? Oui, j'ai une voiture, ouais. J'ai une voiture. Non, j'ai pas le choix. En plus, j'habite un village, donc j'habite Martigues Village, donc j'ai pas le choix. C'est peut-être un peu. Il y a pas de bus, hein. Si, mais très peu, quoi. Très peu. Mais bon, s'il y avait plus de bus, je prendrais le bus, ouais, sans hésitation. Ouais, si je pouvais me débarrasser de ma voiture, je le ferais, ouais. Sans problème. Sans problème. Puis ça s'améliore de jour en jour, d'année en année. Donc, bon matériel aussi. Par quel phénomène? Le fait qu'on ait déjà du meilleur matériel, des bus vraiment à la perfection. On a toujours des petits défauts, mais. Ouais, les sites propres, les voies de bus qu'on a fait, la circulation pour nous, les détecteurs de feu pour les bus, vraiment ça nous fluidifie le réseau et c'est merveilleux. Par rapport à avant, c'est merveilleux. On doit aller vers l'arrêt Europe, c'est plutôt la ligne C2. Donc vous prenez la ligne C2, oui. Et vous descendez place de l'Europe. On vous laisse pour les quelques minutes qui vous restent de pause. Deux minutes avant de redécoller, donc voilà. Il me prévient qu'il me reste encore deux minutes. Moi, j'ai un principe, c'est que la gratuité du transport public doit aller de pair avec l'amélioration de la qualité du réseau. Patrice Vergrit. Vous voyez, la gratuité coûtait à peu près 4,5 millions par an. C'est ce qu'on recevait en termes de billets, d'abonnements chaque année. Mais c'est pas simplement ça qu'on a fait. On a rajouté à peu près 12 millions d'euros par an en plus pour améliorer la qualité du réseau, améliorer les fréquences, améliorer les lignes. Ce qui était très important de voir à Dunkerque, c'est qu'on a en même temps fait l'amélioration de la qualité et la gratuité. On a prévu un doublement de la fréquentation du réseau en amont. Donc c'est pour ça qu'on a voulu transformer le réseau en même temps qu'on a fait la gratuité et donner ces nouvelles fréquences. Moi, j'ai vraiment un leitmotiv là-dessus, c'est qualité avec gratuité. La gratuité seule, c'est la cerise sur le gâteau, mais ça fait pas le gâteau. Donc, il faut les deux. Il faut la cerise sur le gâteau et le gâteau. Et c'est vrai que du coup, avec la gratuité, on a attiré des gens. 84% des nouveaux usagers du transport collectif nous disent aujourd'hui qu'ils sont montés parce que c'est gratuit. Mais après, il faut fidéliser. Il ne faut pas que la personne repart sur la voiture ou finalement dise bon, « moi, je ne me sens pas bien dans le transport collectif, je vais revenir à un autre type de déplacement ». Et donc, il faut fidéliser. Donc, il faut la gratuité et la qualité. Et on sait très bien que quand c'est payant, l'usager ne paye finalement qu'une part très faible du coût réel de son déplacement. Oui, tout à fait. Là, il faut effectivement le rappeler. Maxime Huret. Les transports collectifs sont financés à la fois par des subventions publiques, par une taxe sur les entreprises qui s'appelle le versement transport, et puis par les abonnements et les recettes usagées de manière générale. En France, les usagers couvrent en moyenne 17% de l'ensemble du fonctionnement des transports collectifs. Donc c'est relativement faible, avec des grandes disparités suivant les réseaux. À Paris, c'est environ 30%. On tombe dans des villes comme Dunkerque à 10%, et puis dans des petites villes, souvent autour de 5%. Donc il y a de grandes disparités. Et c'est ce qui a permis aussi à Dunkerque peut-être de franchir le pas plus facilement, c'est-à-dire que les recettes des usagers étaient relativement faibles, hein, estimés à 4,5 millions d'euros par an. Et donc, il y avait des possibilités de compenser cette perte de recettes par usagers, par diverses économies et puis par des choix politiques, finalement. J'ai eu un document de la communauté urbaine où il y a quelques citations d'usagers interrogés. Et il y a par exemple Amélie, qui habite à Malo-les-Bains, qui dit « On en parle jusqu'au Canada, je trouve que ça fait prestigieux ». C'est pas ils ont le bus gratuit parce que c'est des pauvres, c'est ils ont le bus gratuit parce qu'ils peuvent se payer ça. Moi, je trouve que ça fait classe, dit Amélie. Alors, nous, on avait déjà certaines données des autres réseaux de transport gratuit nous faisaient dire qu'on pouvait voir apparaître une forte augmentation de la fréquentation. Ça, pour nous, ça ne faisait pas de doute. Elle s'est confirmée à Dunkerque, hein, plus 85% d'augmentation de la fréquentation depuis la gratuité totale, donc 120% le week-end, 65% la semaine. Mais pour nous, l'inconnu était de savoir les effets sur les pratiques de mobilité. Ce qu'il faut rappeler à Dunkerque, c'est une politique globale, la gratuité des transports collectifs, où on va aussi réaménager des espaces publics en centre-ville. On va également redimensionner le réseau pour absorber cette augmentation de la fréquentation. Donc ce n'est pas que la gratuité à Dunkerque, hein. C'est la gratuité plus la qualité de l'offre qui s'améliore et de meilleurs espaces publics dans le centre-ville. Il a fallu passer par un an de travaux, entre parenthèses, qui ont un peu congestionné la ville. Oui, tout à fait. L'aménagement des sites propres pour les bus. Et donner lieu à quelques mécontentements. Hein. Donc au départ, la gratuité, comme vous l'aviez bien affirmé, n'a pas été appréciée par tout le monde. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on ne s'attendait pas à des changements de comportement aussi rapides. Notamment, on s'est aperçu, lorsque l'on reprend nos 2000 questionnaires, que sur les 2000 questionnaires, 24% des personnes qui ont répondu ont abandonné la voiture pour se déplacer en bus. Et sachant que dans ces 2000 questionnaires, il y en a 5% qui affirment même avoir vendu une voiture ou retarder un projet d'achat de véhicule grâce au bus gratuit. Donc là, on a quand même des changements de comportement significatifs. On s'y fait très rapidement. Très rapidement, on rentre dans le bus. Au départ, oui, on cherche où est notre monnaie pour payer au chauffeur. Et maintenant, on rentre. Là, ça fait plus d'un an que je l'utilise quotidiennement. Et on rentre, on dit bonjour, on s'installe. C'est vrai que ça banalise le fait de prendre le transport en commun. Valérie Weiss, vous ressentez ça comme une sorte de privilège ou de luxe ? C'est vrai qu'on a beaucoup de chance à Dunkerque d'avoir ce privilège, d'avoir le bus gratuit. Ne serait-ce que si on va sur l'île et qu'on veut prendre le métro, il faut qu'on pense à avoir nos tickets. C'est vrai qu'on a le réflexe inverse à se dire si on va à Lille ou si on va à Paris, on doit penser à avoir nos tickets. À Paris, on y pense forcément parce qu'il y a des portillons pour entrer dans le métro, ce qui n'est pas le cas à Lille. Non. Donc on peut rapidement frauder sans faire exprès. Oui, c'est vrai. Mais on y pense quand même. On se dit quand même, on a de la chance quand même de ne pas payer ce transport. Et j'ai l'impression, pour venir à Dunkerque une fois de temps en temps, que ça a une incidence sur la circulation automobile. J'ai l'impression qu'il y a moins de circulation automobile qu'avant. Est-ce que c'est quelque chose que j'invente ou est-ce que vous l'avez constaté aussi ? Oui, je pense que ça doit avoir quand même une incidence, ne serait-ce que sur les trajets dans le en centre-ville, quoi. Centre-ville aussi, le réseau a été modifié pour laisser plus de place aussi aux piétons. Là, la place Jean-Bart, on peut moins passer en voiture. Mmh. Au départ, c'est sûr, c'était les Dunkerquois, enfin les commerçants voyaient ça plutôt d'un mauvais œil. Hein. Parce que, évidemment, les personnes ne peuvent plus se garer exactement devant leur magasin. Mais en fait, on se rend compte que les Dunkerquois aiment bien flâner, marcher, et puis justement, ils retournent chez leurs commerçants naturellement, en se baladant. L'initiative dunkerquoise de gratuité des transports publics depuis septembre 2018, c'est une réussite pour les 200 000 habitants de la communauté urbaine, mais il y a une limite géographique et spatiale à cette utopie réalisée, parce qu'on peut aller de Coudekerque-Branche à Malou-les-Bains ou de Gravelines à Zuidcote, mais si on habite à Armoutskapel, juste en bordure de l'agglomération dunkerquoise, là il faut à nouveau... Il faut encore une voiture. Oui, le problème des périphéries urbaines sont confrontés à des mauvaises dessertes en transport collectif, mais là, ça ne concerne pas que les réseaux de transport gratuits, en fait. Quand vous regardez bien, c'est l'ensemble des réseaux de transport, qu'ils soient payants ou gratuits, qui ont des difficultés à desservir finement les périphéries. Là, c'est un enjeu politique important pour les prochaines années, y compris dans le réseau dunkerquois. Donc, avec la gratuité, évidemment, il y a plus de demandes sociales en faveur des transports collectifs. Parfois des industriels qui sont un peu éloignés, qui demandent une desserte, notamment à des horaires décalés pour leurs salariés, mais aussi des communes un peu éloignées du centre-ville qui aimeraient que l'offre s'améliore. Mais c'est une problématique qui concerne tous les réseaux. Donc il faut investir dans le réseau, et l'investissement public, c'est un choix politique hein, dans les réseaux de transport collectif qui se fait dans chaque territoire. C'est formidable d'avoir une agglomération de 200 000 habitants où les bus sont complètement gratuits. Mais quoi qu'il arrive, Maxime Huret, il y aura toujours des gens qui ne prendront les transports en commun pour rien au monde et qui ne sont bien que dans leur voiture. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Déjà, il y a un attachement à l'automobile qui est fort en France. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que la gratuité ne résout pas tous les problèmes de mobilité. Hein, ça, il faut être très clair. Hein. On a des personnes qui ont besoin d'utiliser la voiture pour leur travail, transporter du matériel. On a des personnes qui sont en situation de mobilité réduite et qui ont des difficultés à prendre les transports collectifs. Évidemment que la gratuité ne résout pas tous les problèmes de transport et de mobilité. Et en même temps, on voit que un certain nombre de personnes ont transformé leurs pratiques. Dans notre enquête, donc, on a mesuré qu'il y avait un certain nombre d'automobilistes qui avaient franchi le pas du bus. Aujourd'hui, le bus gratuit était pour eux une offre efficace par rapport à leur déplacement en automobile et moins cher. Mais aussi, on a observé hein, des comportements d'augmentation de la marche chez certaines personnes, parce que lorsqu'on se met à prendre le bus gratuit, on doit marcher jusqu'à son arrêt de bus, et puis on descend un arrêt de bus en centre-ville, hein, on doit de nouveau marcher pour se rendre au commerce ou au travail dans lequel on veut se rendre. Contrairement à l'automobile, où on prend la voiture devant chez soi, quasiment dans son garage, et puis on la gare le plus près possible de son activité. Donc ça a développé plutôt la marche. On n'a pas vu d'effet très franc sur la pratique du vélo à Dunkerque, parce que c'est une ville où on pratique très peu le vélo. Donc plutôt, l'effet qu'on a observé, c'est celui sur les automobilistes, hein, qui a été très important. Et puis une augmentation aussi des déplacements et des personnes qui se déplacent plus qu'avant. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que l'objectif social de la mise en place de la gratuité des transports collectifs, il semble rempli à Dunkerque, puisque des personnes en grande difficulté se mettent à plus se déplacer aujourd'hui, donc retrouvent du lien social, peuvent peut-être engager des démarches administratives ou de retour à l'emploi plus facilement. Donc on, même si encore une fois, et je le répète, la gratuité ne résout pas tous les problèmes, hein, y compris pour des personnes qui sont trop éloignées quelque part de, socialement et qui ont de grandes difficultés. Il paraît qu'il y avait des Dunkerquois qui n'allaient jamais à la mer et qui maintenant y vont en autobus gratuit. Oui, ce qui a été observé, et c'est vraiment là quelque chose d'intéressant, on s'y attendait pas forcément, c'est la convivialité que ça a généré sur le territoire dunkerquois. Des personnes âgées qui ne sortaient plus de chez elles se sont mis à prendre le bus uniquement pour faire des voyages en bus et parler aux gens, se rendre au bord sans de la mer. Sans véritable but. Sans véritable but, hein, parfois en faisant des boucles, en restant dans le bus. Donc voilà, il y a cette convivialité qui s'est un petit peu recréée, aussi entre les chauffeurs de bus et les usagers. Voilà, on rencontre les Dunkerquois se rencontrent dans les bus, on devient copains de bus maintenant. Vous saviez qu'à Dunkerque, il y avait des copains de carnaval, et maintenant, il y a des copains de bus. C'est ce qu'on a pu observer dans notre enquête. Ça a été évidemment des choses intéressantes qu'il faut creuser et comparer avec d'autres réseaux, évidemment. Mathieu Flonneau, notre historien des mobilités. Quand on envisage de se passer de l'auto, on peut se pencher sur l'expérience qui est menée, réalisée dans cette bonne ville de Dunkerque. En quoi est-ce que c'est intéressant ? Je dis, moi, pourquoi pas ? Et puis, de toute façon, si le but est vraiment de faire abandonner l'autosolisme et les usages excessifs de l'automobilisme en centre-ville, mais là, moi, je n'ai rien à redire à cela. C'est pas là qu'on accomplit le rêve automobile. C'est une évidence. C'est pas dans les embouteillages urbains. Donc, voilà, c'est une expérience de mobilité qui touche une partie du spectre des usages de l'automobile, mais qui ne l'épuise en rien. C'est-à-dire que, oui, bah, on pourra s'en passer dans quelques endroits, je dis tant mieux, mais c'est pas pour autant qu'on pourra s'en passer ailleurs. Un peu comme si l'automobilisme et l'usage des transports en commun étaient des mondes qui n'avaient pas d'intersection. Bah, ils ont des intersections, mais elles sont très ponctuelles, et donc on pourrait donner d'autres arguments que le transport gratuit. Ça a été un des grands arguments, le transfert modal, mais qui est un grand échec pour les tramways de centre-ville ou de périphérie immédiate, et on s'aperçoit que le tramway est un magnifique objet qui redessine l'espace public, qui le transforme, donc qui l'enchérit par ailleurs aussi. En termes de réflexion foncière, c'est là un chapitre à ne pas manquer, mais qui n'a pas empêché dans les grandes villes qui s'en sont dotées de multiplier les rocades, de multiplier les ponts éventuellement, et donc de multiplier les usages de l'automobile en périphérie. Et ceci est particulièrement spectaculaire à Nantes, ceci existe aussi à Strasbourg, qui est pourtant aussi une ville cyclable, ceci existe à Orléans, on a créé un pont et on réfléchit à un deuxième, alors que le tramway s'est installé. L'utopie dunkerquoise de la gratuité des transports a bel et bien été réalisée, mais elle cesse au bord de l'agglomération à Dunkerque. On monte dans le bus sans y penser, on va jusqu'à Grande-Synthe ou le Frincouc, gratuitement. Au-delà, si l'on souhaite se passer de son auto, il faut être très inventif. De Hondscott, petite ville de la Flandre maritime, à Lille, il y a 60 km. Difficile à envisager pour un piéton contemporain. Alors on démarre la bagnole, on arrive à Lille, on finit par trouver une place dans un parking souterrain ravissant, et on paye son ticket de métro pour se rendre en ville. Comment se passer de la voiture ? Tout dépend de ce qu'on recherche. On peut mettre son vélo dans le train, s'il y a des trains et si on sait faire du vélo. Si on cherche à limiter les émissions de CO2, covoiturage ou autostop, qui existe encore. Le bus gratuit n'est qu'une hypothèse parmi tant d'autres. On peut aussi choisir de rester chez soi, mais ça ne résout pas tout non plus. Il peut arriver également qu'on se lasse, que le plaisir de conduire s'estompe ou disparaisse. On se surprend à avoir un peu peur de la route, à n'être plus aussi à l'aise au volant qu'auparavant, à voir des képis et des radars partout, à décompter ses points restants. Quant à la téléportation, si on met ça au point un jour, il ne faudra pas compter sur moi pour faire partie des premiers expérimentateurs. Si j'ai bien compris, Christine, il y a une époque où vous adoriez la conduite, où c'était presque parfois une fin en soi pour le plaisir de conduire, et puis ça a un peu changé. Je pense qu'en prenant de l'âge, on devient plus raisonnable. Et puis, pourquoi c'est pas raisonnable d'aimer conduire ? Non, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi. Je leur dis, oh, tu sais, moi j'en ai marre de prendre la voiture et tout. Mais beaucoup de gens de mon âge, moi je fais deux ateliers. Je fais atelier poterie, atelier couture. Et avec les copines, deux fois, bon, ça m'arrive. Je dis, oh là là, j'en ai marre, faut que je prenne la voiture pour aller là. Souvent, les copines, elles me disent, ouais, c'est pareil, elles ont moins envie de conduire qu'avant. Hein. Souvent, et avant, vous ne vous posiez pas la question, c'était quelque chose de tout à fait naturel. Non. Alors peut-être qu'effectivement, on était dans l'activité professionnelle, alors donc on en avait plus besoin, on ne se posait pas la question, ça faisait partie du courant de la vie. Maintenant, ça... Je fais mes courses une fois tous les 15 jours, ça me suffit là. Moi, ça fait une semaine que ma voiture, elle n'a pas bougé de place. Puis elle bougera pas de place avant la semaine prochaine, à moi. Hein. Tout passe, tout lasse, comme on dit. C'est une phrase bateau, mais c'est tout passe, tout lasse, quoi. Parce que ça vous arrivait, comme à beaucoup de gens, de vous dire, allez, je vais faire un tour, sans but. Oui, avant, oui. Alors que maintenant, non. Alors, je suis devenue peut-être plus casanière, oui, ça c'est sûr. Mais oui, le véhicule avant, il était indispensable de me dire, bon, allez, hop, je m'en vais. Moi, avant, je prenais mon véhicule le vendredi soir, je prenais la carte, j'envoyais une fléchette sur une carte, et puis je me disais, tiens, je m'en vais là, quoi. Même, mais je regardais pas les kilomètres, je me disais, oh, super, je vais dans mon véhicule, j'emmène les cassettes, les radios, les CD, enfin, tout dépend de l'époque à laquelle on avait le véhicule, ça a été les cassettes puis les CD. Et hop, vague la galère, quand on voit là où on va arriver, on visite. Maintenant, j'ai moins le plaisir de me déplacer comme ça. Si je pouvais me téléporter, alors, moi, ce que j'attends qu'une chose. Alors là, ça va vous faire peut-être bondir, parce que vous êtes jeune. Enfin. Et même moi, j'attends qu'une chose. C'est que là, les voitures à l'intelligence artificielle arrivent. Parce que c'est peut-être le côté de la responsabilité que j'ai plus envie de prendre. Passer les vitesses, machin, tout ça, j'ai plus envie. Moi, j'ai bien envie de rentrer dans mon véhicule, mais d'être chez moi, quand même, parce que c'est quand même toujours le phénomène d'être chez soi, toujours un peu quand même, ça appartient. Rentrer, lui programmer, lui dire, bon, bah tiens, je vais là. Et hop, il y va. Il s'occupe de tout. Je suis assez intelligence artificielle, moi, là-dessus. Vivement que ça arrive, mais je serais peut-être morte d'ici là. Non, moi, m'enlever le poids de dire, allez hop, tu t'occupes des feux rouges, des machins, des radars, des trucs, des 80, 90, 70, 50, 30. Alors, c'est toi qui t'en occupes. Parce que ça aussi, ça devient pénible. Le plaisir de conduire, il est plus là parce qu'il y a trop de paramètres à gérer. Voilà aussi pourquoi on a moins de plaisir à conduire. Parce que de 200 mètres en 100 mètres, on se paye des 80, 50, 70, 80. Non, mais ça va, ça devient pénible, ça, à la fin. Donc c'est pour ça l'intelligence artificielle, vous lui mettez le truc, il lit tout ce qu'il faut avant, et puis c'est parfait. Pour moi, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, peut-être par la suite, s'ils mettent des véhicules d'intelligence artificielle, ce sera plus la location de voiture. Moi maintenant, un véhicule, ça revient cher quand même. Donc j'aurais quelqu'un qui m'amènerait un véhicule le jour où je dis, je vais commander un véhicule pour telle date. Ah là, s'il y a une start-up qui peut monter ça, ce serait très bien. Pour telle date, je mets un véhicule parce que j'en ai besoin pour aller faire mes courses, pour aller voir mon fils et compagnie. Alors, il y a les locations de véhicules. Je suis d'accord, Hertz et compagnie. Seulement, il faut aller la chercher, la voiture. Non, mais qu'il y ait une start-up avec un petit gars qui a un petit vélo électrique qui met ça dans le coffre. Il vous amène la voiture le jeudi, parce que jeudi, je vais faire mes courses. Et il m'amène la voiture. Hop, je m'en utilise pendant toute l'après-midi. Ou alors, je vais chez mon fils ou à Pertaux-Schnock et là-bas, je dépose mon véhicule. Puis, quand j'en ai besoin, parce que là, je vais aller à Bourg, je vais prendre mon véhicule. Et pendant tout le week-end, je ne vais pas en avoir besoin. Il va être stationné puisque je vais grappailloter dans Bourg. Et bien, ce qui serait bien, c'est que je laisse le véhicule là. Hop, on vient la rechercher, tout ça. Et puis, on me ramène un véhicule à la fin du week-end pour que je rentre chez moi. Parce que j'ai quand même besoin de rentrer dans un véhicule. pas en transport en commun. Je n'ai pas envie de prendre un transport en commun. C'est clair. Je préfère être dans mon petit véhicule, en train de réfléchir à ce que j'ai vécu mon petit week-end, en écoutant de la musique tranquille, et d'arriver chez moi. Voilà, ça, ce serait bien. Une petite start-up là, qui va se monter sans ça. Vous dites, Mathieu Flonneau, que l'histoire de l'automobile n'est pas finie, mais en même temps, vous en prédisez, à moyen ou long terme, l'abolition, ou au moins l'abolition du conducteur. Oui, ben là, c'est un débat évidemment contemporain, en cours et ouvert sur un futur que certains disent proche, mais que l'on a tendance à repousser. C'est assez étonnant. Hein. C'est-à-dire que la voiture autonome... Les réserves de pétrole qui devaient s'arrêter en 95. Il y a de ça. Et là, effectivement, on nous annonce la fin du conducteur automobile pour des voitures dites autonomes, car elles n'ont rien d'autonome. Ces voitures, elles seront tracées, point barre. Et donc, c'est une forme d'annihilation de la liberté individuelle. Contradiction fondamentale avec l'automobilisme. Donc, il va falloir inventer un autre nom, à mon avis, pour être plus au clair sur l'objet vraiment qui nous est promis. Mais on constate que c'était prévu pour 2020, ça l'est pour 2025, et puis ça va pas être si simple. Puis surtout, ça va pas être partout. Contrairement à l'automobilisme qui était un universalisme. C'est-à-dire qu'avec une automobile, on pouvait aller sur toutes les routes. Or, là, ça va mettre en évidence toute la dimension des équipements de la route, qui est fondamentale, de la signalisation, du langage machine et de la vision machine, qui vont pouvoir faire finalement des automobilistes, et le mot passera de mode, très probablement, de simples passagers ou de simples otages de leur voiture. Et donc, on est là dans la réinvention du train, à certains égards, on est là dans la réinvention de quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'automobile, et qui, justement, au travers de ce bastion de résistance, pour certains, fait toucher du doigt, et ça me ramène à l'histoire de la vie privée, la quête de cette liberté individuelle qui a caractérisé l'objet automobile. C'est-à-dire qu'on cherchait à accomplir, et les écrivains qu'on a cités abondamment, on cherchait à parachever, à sublimer leur libre arbitre. Or, cet automobilisme autonome, dit autonome, et tous les guillemets que j'ai évoqués, bien sera une négation de ce libre arbitre. Et donc, il y a là de nombreuses questions qu'il faut se poser, car le mot n'est pas véritablement adéquat. C'est-à-dire qu'un smartphone sur roue, ça reste un smartphone sur roue, ça n'est pas une automobile. Pour me rendre à mon bureau, j'ai mis de bons godillots et j'ai fait 4 fois par jour le trajet à pied. Aller-retour, les Tuileries, le Pont Neuf, je me gonflais comme un bœuf, fier de souffrir de mes corps pour un si joli décor. Hélas, bientôt, je n'aurai plus de godasse, le cordonnier ne se mêle plus. Mais un homme prudent et perspicace, pour l'avenir, j'ai tout prévu. Je vais apprendre demain à me tenir sur les mains. J'irai pas très vite, bien sûr, mais je n'userai plus de chaussures. Je verrai le monde de bas en haut, c'est peut-être plus rigolo. J'y perdrai rien par surcroît, il est pas drôle à l'endroit. L'automobile, ou comment s'en passer ? Une émission presque sans carbone, hormis bien sûr les 4 exemplaires multicolores de la demande technique. Avec Renaud Robinet, dunkerquois, Patrice Vergrit, maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine, Maxime Muret, chercheur en sciences politiques, Valérie Weiss, dunkerquoise, Frédéric Chopin, conducteur d'autobus, Virginie Blondeau, conductrice d'autobus, Mathieu Flonneau, historien, Christine. Merci à Olivier Copin de la communauté urbaine de Dunkerque et au personnel de la compagnie Décabus. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. Coordination Perrine Kervran, attachée de production Marie-Vonne Abolivier, Archivina Manuela Dubessy. Un documentaire d'Olivier Chaumel réalisé par Yvon Croisier. En tête des informations générales, un appel qui peut sauver la vie d'un automobiliste. Le garagiste du quartier Folie-Méricourt demande au conducteur de la R8 grise métallisée, immatriculée 3783 FN78, qui se rend vers Cherbourg, de s'arrêter immédiatement